ABI les bleuets, les Bordières et Balzac. Bienvenue dans mon 9K. Robespierre, le square, la Vanoise, Bois la Baie, les Mordas. Bienvenue dans mon 9K. La Griselle, la Lutèce, la Duchesse, tous les jeunes en calèche. Bienvenue dans mon 9K. Bienvenue dans mon 9K. J'ai les lèvres noircies par l'affût, l'esprit pourri par bitume. Environnement meurtrier dans lequel je m'accoutume. Trop hard, pour moi chaque jour c'est vendredi 13. Peu de chance, les heures d'être auprès de la falaise. Je résume une vie tout au meurtri où les pères crient. La force et le courage font que tous les mères prient. J'ai peur, j'avoue, le climat me donne même plus envie de vivre. C'est en shit, l'alcool que les jeunes s'ennuient. Livrer mes rimes, c'est te décrire un triste film d'horreur. Les cris, les pleurs, va savoir où se planque le bonheur. J'en ai la clé, mais je trouve pas encore la serrure dans un rude couloir où il n'existe qu'une seule ouverture. Une vague de mélancolie dans un vaste océan de tristesse. On ne cesse de boire la tasse, c'est nos parents qu'on blesse. Je m'adresse au 9-4, à tous ses environs, les plus jeunes et moins jeunes, à toute ma génération. Le palais, ABI, les bleuets, les Bordières et Balzac. Bienvenue dans mon 9K. Robespierre, le square, la Vanoise, Bois la Baie, les Mordas. Bienvenue dans mon 9K. La Griselle, la Lutèce, la Duchesse, tous les jeunes en calèche. Bienvenue dans mon 9K. Bienvenue dans mon 9K. Bienvenue dans mon 9K. Depuis le temps que je rappe, depuis le temps que je gratte, le moment est opportun pour te parler de mon 9-4. Ces arabes et ces blacks qui ne fréquentent pas les facs, qui mettent que des coups de plaf lorsque la bague présente leur plaque. S'accrochent à l'asphalte mais n'esquivent pas les tacles. Sont tombés dans le piège de la capitale de la braque. Bien nu dans mon 9-4 avec ses langages et ses codes, ces acteurs de la pègre et les plaques tournantes de la drogue. Moi, jeune Créteil, j'habite non loin du tribunal. Get nos immeubles qui ont tendance à finir mal, parce que les jeunes ils squattent et les délabrent comme d'hab. Une vieille du 14ème fera appel à la batte. Si Zizou vient de Marseille, les jumeaux du rap de Créteil, soit le sport ou le chant, pour que les jeunes fassent leur oseille. Dans le rap, le 9-4 a sa mafia. Surtout sois pas fâché si elle ne vient pas de chez toi. Le palais, ABI, les bleuets, les Bordières et Balzac. Bienvenue dans mon 9K. Robespierre, le square, la Vanoise, Bois la Baie, les Mordas. Bienvenue dans mon 9K. La Griselle, la Lutèce, la Duchesse, tous les jeunes en calèche. Bienvenue dans mon 9K. Bienvenue dans mon 9K. Bienvenue dans mon 9K. Bienvenue dans mon 9K. Bienvenue dans mon 9K. Négatif music. Bienvenue dans mon 9K. 2008. Bienvenue dans mon 9K. Créteil. Bienvenue dans mon 9K. Choisis. Bienvenue dans mon 9K. Orly. Bienvenue dans mon 9K. Bienvenue dans mon 9K.